Joseph Sabiyabandi. Bonjour à tous les auditeurs de la radio Isanganiro, bienvenue à ce journal dont voici les principaux titres. Célébration de la fête de Noël dans la capitale Bujumbura. Certains chrétiens disent que la pauvreté leur a empêché de célébrer la naissance de Jésus comme il se doit. En moins d'une semaine, 20 personnes ont été tuées dans des accidents de roulage. L'Observatoire pour la sécurité routière en appelle à la police à redoubler de vigilance en ces fêtes de fin d'année. Et l'Organisation de lutte contre la corruption et les malversations économiques, OLCOM, demande au président de la République d'annuler la mesure du ministre de l'Éducation qui exige aux élèves qui vont refaire l'examen d'État de payer une somme de 50 000 francs burundais. Voilà pour le sommaire. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Des chrétiens de la capitale Bujumbura se sont joués ce lundi aux autres du monde entier pour célébrer la fête de Noël. Certains de ceux que la radio Isanganiro a tendu le micro disent que la célébration de la naissance de Jésus arrive au moment où ils sont embourbés dans la pauvreté. Ils regrettent qu'ils n'aient pas pu s'acheter de nouveaux habits et changer de plat comme à l'accoutumée. Nous allons y revenir. L'Observatoire de la sécurité routière appelle la police et les conducteurs de véhicules à faire tout leur possible pour éviter les accidents routiers devenus nombreux en ces jours de fin d'année. Le président de l'Observatoire le dit au moment où au moins 5 accidents ont été recensés ce dimanche en province et dans la mairie de Bujumbura, faisant 7 morts et des dizaines de blessés. Nixon Rabonimana affirme que plus de 90% des accidents routiers sont évitables. Il se dit toutefois dépassé par le fait que plus de 20 personnes sont mortes des accidents routiers depuis le 20 décembre. Nixon Rabonimana au micro de Léonce Vitalio. Depuis le 20 décembre de cette année 2017, nous avons enregistré plus de 20 décès. Imaginez-vous, plus de 20 décès. Actuellement, nous comparons les routes burundaises à de véritables abattoirs vu le nombre de personnes qui meurent suite à des accidents dont la plupart sont évitables. Nous trouvons que nous n'avons plus de chauffeurs. Imaginez-vous, ne croyez pas qu'un criminel est celui qui tire avec un couteau ou bien avec une machette ou bien avec un fusil. Même ces conducteurs. Vous incriminez les chauffeurs? Oui. Ce sont nos chauffeurs qui conduisent des véhicules n'importe comment. Sachez bien que malgré qu'un accident était un événement qui arrivait soudainement, mais je pourrais vous dire que la plupart des accidents routiers sont évitables. Évitables comment? Il suffit d'appliquer les règles de prudence. Je trouve que la police en charge de la circulation routière et doit intervenir. Nixon Habonimana, il est président de l'Observatoire pour la sécurité routière. L'Organisation de lutte contre la corruption et les malversations économiques, OLCOM, demande au président de la République d'annuler la mesure du ministre de l'Éducation de faire payer les élèves qui vont refaire l'examen d'État une somme de 50 000 francs burundais. Gabriel Philly dit que cette mesure viole des lois de la République et espère que le président annulera cette mesure comme il lui a demandé dans une correspondance qu'il lui a dernièrement adressée. On l'écoute. On vient de l'OLCOM, c'est une ordonnance qui viole toutes les lois en rapport avec la collecte, la gestion et le contrôle des finances publiques, à commencer par la Constitution, la loi organique des finances publiques, la loi budgétaire et la loi régissant les finances communales. Mais aussi, en regardant cette ordonnance, c'est une ordonnance qui inflige les amendes aux autodidactes parce que, selon la ministre de l'Éducation ou son porte-parole, des fois, ils s'inscrivent pour faire l'examen et par après, ils ne viennent pas pour passer l'examen ou repasser l'examen. Mais pour l'OLCOM, si cet argument s'avère fondé, il y a d'autres sanctions qui ne sont pas pécuniaires, qui devaient être infligées à ces élèves. C'est la raison pour laquelle, au sein de l'OLCOM, cette ordonnance est une ordonnance illégale, illégitime, et c'est pour cette raison que l'OLCOM demande au président de la République de l'annuler, surtout que, en plus de la violation de ces textes que je viens d'évoquer, il y a la pauvreté qui mine les Burundais aujourd'hui, on ne peut pas demander l'argent à un élève sans toutefois demander l'argent à un parent. C'est-à-dire que l'argent, en quelque sorte, est demandé aux parents. Et vous le savez, ces mêmes parents contribuent au niveau des impôts et taxes. Donc, pour nous, c'est une ordonnance injuste qui mérite d'être annulée purement et simplement. Gabriel Ufili, il est président de l'ELUCOM, les rapatriés de la localité de Mutambala, zone Gâtété en province de Lumongue, apprécient l'accueil leur réservé par les résidents. Ils réclament néanmoins l'assistance promise par le gouvernement, car selon eux, plusieurs d'entre eux regagnent le pays dans l'état d'extrême pauvreté. Le gouverneur de cette province, Juvenal Bigirimana, leur demande de patienter car leur cas est en train d'être traité. Pascal Niyahunze, reportage. Il apprécie l'accueil les réservé par les voisins. Ces rapatriés sont rentrés de l'exil en provenance des pays voisins comme la Tanzanie et la République démocratique du Congo. Cette femme avait fui le pays en 2015 en destination de Nyarugusu en Tanzanie. Son retour au pays n'a pas été facile, explique-t-elle. Nous sommes des rapatriés. Certains sont arrivés ici à pied. Moi, j'étais à Nyarugusu. J'étais avec mes 4 enfants. Mon fils y est resté avec sa famille et ils sont dans des conditions précaires. Je jugeais bon de rentrer puisque j'étais dans des conditions difficiles. Nous étions très fatigués puisque notre voyage à pied avait duré 3 jours. Ces rapatriés remercient leurs voisins et l'administration pour leur accueil durant les premiers jours de leur arrivée au pays. Ils déplorent néanmoins l'insuffisance de l'aide qui ne leur permet pas de satisfaire leurs besoins. Arrivés ici, nous avons été accueillis par les autorités qui nous ont donné des documents d'identification en tant que rapatriés. Ils nous ont donné des vivres, dont 10 kilogrammes de riz, et le ministre de la Solidarité était présent. Ils ont promis qu'ils vont continuer, mais actuellement, nous n'avons pas des habits, nous n'avons pas de où. Mais cet homme était venu nous rendre visite. Ce sage cité par cette femme est l'un des élus culinaires à Mutambala. Bizimana Eli, conseiller du chef culinaire, confirme la bonne cohabitation entre les rapatriés et les résidents, mais se dit également préoccupé par leurs conditions de vie. Chacun donne son intervention selon sa capacité, mais ça ne suffit pas. Certaines maisons de Gahore sont dépourvues du toit. D'autres maisons ont été détruites suite à la pluie torrentielle. 10 points de vie sociale, la cohabitation est bonne et nous demandons que cette cohabitation reste maintenue. Le représentant de l'Union des rapatriés à Mutambala indique que les Burundais récemment rentrés de l'exil sont confrontés à de différentes difficultés. Athanase Masumbuko parle surtout des problèmes liés à l'alimentation, à la santé et au matériel agricole. Le grand problème que nous avons concerne les vivres. L'autre problème concerne la santé. Quand ils sont malades, ils manquent de l'argent pour se faire soigner. C'est un problème sérieux qui peut même provoquer la mort. Il s'observe aussi le manque de roues. Le gouverneur de la province de Lumongue dit être au courant de cette situation des rapatriés. Juvenal Bigirimana fait savoir que sa province est à pied d'œuvre pour venir en aide à ses ressortissants qui rentrent de l'exil. Bientôt, nous allons commencer ce qu'on appelle solidarité locale. Sur toutes les collines, on a déjà créé des associations de solidarité locale. Bientôt, nous allons commencer à collecter des vivres, des habits, n'importe quoi, pour que nous puissions aider ces gens qui n'ont pas peut-être de quoi mettre sous la dent, qui n'ont pas de moyens suffisants. Ces rapatriés qui viennent de la RDC et de la Tanzanie sont dans 2 catégories. Ceux pris en charge par l'OHCR et ceux qui rentrent par leurs propres moyens. Ces derniers réclament qu'ils soient traités de la même manière une fois réinstallés au pays. Merci à Pascal Niyahunze pour ce reportage sur la page culture des chrétiens de la capitale Bujumbura. Se sont joués ce lundi aux autres du monde entier pour célébrer la fête de Noël. Certains de ceux que la radio Isanganiro a tendu le micro disaient que la célébration de la naissance de Jésus arrive au moment où ils sont embourbés dans la pauvreté. Ils regrettent qu'ils n'aient pas pu s'acheter de nouveaux habits et y changer de plat comme à l'accoutumée. Reportage signé médiatrice Emeru Save, stagiaire à la radio Isanganiro. C'est à l'église catholique Saint-Michel de Bujumbura, dans la messe de 10 heures. L'église est quasi pleine de fidèles, composée des adultes et des enfants. Il y a même des chrétiens qui se sont assis en dehors de l'église. Certains chrétiens qui se sont exprimés sur nos micros disent qu'ils vivent dans une pauvreté extrême et ils regrettent également qu'ils ne soient capables d'acheter les habits pour leurs enfants comme le faisaient d'habitude. Ce n'est pas comme auparavant, parce qu'il y a des crises, surtout les crises économiques dans les familles, mais on essaie de préparer, acheter les habits des enfants. On s'est organisé avec le peu que nous avons acheté de la nourriture qu'on va partager en famille, les enfants, les parents, et nous avons invité les amis, les voisins. On a organisé la fête de Noël tant qu'on peut. Là, comme vous le savez, nous vivons une période un peu dure qui touche presque toute la population burundaise. Mais on s'arrange, on ne peut pas ne pas acheter quelque chose pour les enfants. On s'arrange comme on peut, on va célébrer la fête de Noël comme on peut. Quant à moi, je ne dirais pas qu'il y a quelque chose de spécial. Il y a de la pauvreté partout dans les ménages. Quant à moi, je suis fonctionnaire d'État, je suis enseignante. Les salaires insuffisants, on ne peut pas être capable de satisfaire tous les besoins. Par exemple, les habits d'un enfant de 10 ans coûtent 50 000 francs. Si tu as une famille, au moins de 9 enfants, ça veut dire 450 000. C'est presque un crédit pour pouvoir acheter leurs habits. L'abbé Casimir Ngengurutse nous dit la signification de la fête de Noël. Il indique que Noël est une naissance de Jésus qui apporte la lumière pour tout le monde. Ce que nous pouvons croire ou comprendre, c'est qu'auparavant, c'était tout juste la levée du soleil, la lumière qui arrive. Mais après la naissance de Jésus, on a compris que Jésus, c'est lui la lumière qui vient éclairer tout le monde. La lumière qui vient mettre tous à jour. Cette lumière qui est du Père, le Père Céleste, c'est Jésus, c'est lui qui vient nous aider à comprendre où se trouve la vérité, où se trouve la réalité. C'est lui qui nous apporte la paix, c'est lui qui nous apporte la lumière, c'est lui qui nous apporte l'amour. Le message ne concerne pas seulement les chrétiens, mais c'est tout le monde. Parce que le Sauveur qui vient, c'est lui qui nous apporte la paix, qui vient nous enseigner comment vivre dans la justice et dans l'amour. Or, vivre dans l'amour ne concerne pas seulement les chrétiens, mais c'est tout le monde, tout le créé, l'être humain. Le message, c'est alors de prendre, d'accueillir Jésus comme le vrai roi qui vient régner dans la paix et dans l'amour. Et ce qu'il nous invite à faire, c'est vivre dans cet amour, vivre dans la justice, vivre dans la paix, afin que tout le monde croit en Jésus et croit qu'ils sont sauvés par le même Sauveur qui est Jésus le Christ, qui est né aujourd'hui le 25. Merci à médiatrice Emile Sabé pour ce reportage. La Commission électorale nationale indépendante commencera à mettre en place les commissions provinciales ce mardi. Ce travail sera achevé à travers tout le pays le mercredi prochain, comme l'indique le président de la CENI, Pierre Claver Ndayichariye. Lors de la présentation des commissions provinciales de la mairie de Bujumbura et de la province de Bujumbura, certains politiciens ont montré leurs inquiétudes sur la faisabilité du travail de 5 commissaires seulement retenus pour la mairie de Bujumbura, alors que la capitale est très vaste. Aubin Nyonghul pour les détails. Le secrétaire du parti CNDD-FDD en mairie de Bujumbura, Benjamin Ndagijimana, se demande si la tâche de la commission électorale provinciale indépendante ne serait pas difficile en mairie de Bujumbura, vu l'étendue de la capitale ainsi que l'effectif excessif des habitants, alors que la CEPI mairie ne compte que 5 commissaires. L'autre défi qu'il signale est lié au fait que le nombre de communes urbaines est passé de 13 à 3. Ici, le président de la Commission électorale nationale indépendante, Pierre Claver Ndayichariye, dit que malgré tous ces défis, la mairie de Bujumbura est plus praticable. En termes de rapprochement des bureaux de vote, en termes de rapprochement des centres de vote, en termes de concentration même de la population. Et techniquement parlant, c'est plus facile. Vous ajoutez le nombre de CEPI, vous augmentez les véhicules. Vous ajoutez le nombre de CEPI, vous augmentez les salaires. Vous ajoutez le nombre de CEPI, aujourd'hui vous allez augmenter aussi ce qu'on appelle les charges d'habitabilité fiscale, IPE. Voilà le débat. Le débat complexe. Après la mise en place des CEPI en mairie de Bujumbura et dans la province de Bujumbura, l'organisation AJAP, quant à elle, dit avoir constaté que la société civile n'est pas suffisamment représentée selon son président Eric Sengimana. Le président de la CENI indique que les organisations de la société civile et les partis politiques dont les membres n'ont pas été retenus en mairie de Bujumbura et dans la province de Bujumbura pourront se retrouver dans les commissions des autres provinces. Pierre Claver Ndaïchalier précise que la mise sur pied des CEPI dans toutes les provinces va s'achever ce mercredi. Nous disons merci à Oben Yonghuru et en actualité internationale, précisément en Afrique du Sud. Malgré les fêtes de fin d'année, le parti ANC s'active pour mettre en place un plan pour révoquer Jacob Zuma dans ses fonctions de président. Comme l'écrit la RFI sur son site, la presse dominicale affirme que des négociations sont déjà en cours pour tenter de convaincre le chef de l'État de quitter son poste pour laisser l'espace à Cyril Ramaphosa, élu nouveau président de l'ANC. Et voilà, c'est la fin de cette édition en langue française. Mais avant de vous quitter, le rappel des titres. Célébration de la fête de Noël dans la capitale Bujumbura. Certains chrétiens disent que la pauvreté leur a empêché de célébrer la naissance de Jésus comme il se doit. En moins d'une semaine, 20 personnes ont péri dans des accidents de roulage. L'Observatoire pour la sécurité routière en appelle à la police à redoubler de vigilance en ces fêtes de fin d'année. Et l'Organisation de lutte contre la corruption et les malversations économiques, OLCOM, demande au président de la République d'annuler la mesure du ministre de l'Éducation qui exige aux élèves qui vont refaire l'examen d'État de payer une somme de 50 000 francs burundais. Merci à toutes et à tous qui avaient suivi ce journal. Bonne suite des programmes à la radio Isanganiro. Merci.